Ce soir je prends le mic comme si c'était la dernière fois. J'ai plus la tête à faire la fête avec des litres dans le foie. J'teins tard le soir, tu peux me trouver sur la liane 2. 3h du mat avec Clément, tapis moquette. Où j'gratte un itch pour un 5-2. Faut que j'me mette à la ceinture pour que ma famille ne manque de rien. Moi aussi j'aime faire de grands gestes, mais pas comme les Italiens. J'te garantis que j'fais ça bien comme un doublage canadien. L'ironie du sort c'est que ça reflète mon quotidien. Tu veux savoir ce que j'fais de ma Yves, hein? Tous les feux sautent au vert, mais je ralentis parce que j'ai de la peine à le dire. J'assume mes choix, mais je me fais secrète quand il s'agit de lever le voile. Avec mes frères, on fait s'excevoir, avec le temps, on fait se décevoir. Nostalgique d'une époque, c'est clair comme le contraste est glauque. Non, j'oublie pas Malik Morgan, Danino, délire en bas du bloc. Hey. J'ai peu d'attache, mais j'oublie pas mes racines. Ce que je rappe, c'est mon vécu, il n'y a pas de rime facile. J'suis pas vegan, hors de question, t'as fait pour des radis. C'est vrai que j'passe du coq à l'âne, mais loin d'être versatile. Sans langue de bois, j'ai toujours été loyal envers ma team. Sache que j'donne une partie de moi quand j'grave mon place ou vers Batim. Pas là pour faire dans la dentelle, ni te faire pleurer dans les chaumières. Dis-leur deux mots, j'crois que j'ai fait le tour du dictionnaire. Regarde-moi dans le blanc des yeux, tu vas réclaver, n'est pas si rose. On se tue la santé pour même pas le prix de si rose. Et on se pète la nuque, sort des basses, perso, moi ça me fait kiffer. Hier, t'étais mon pote, aujourd'hui, gros, j'peux pas te pivrer. Et ouais, c'est comme ça la vie, c'est comme la roulette russe. Encore une fois de plus, j'écris mes textes à l'arrêt de bus. Pas une thune en poche, j'ai parlé d'offre d'un footballeur. J'échangerai bien la clé de sol contre la clé du bonheur. Sur quelques notes, noie ma mélancolie. Et si j'ai les yeux revolvers, c'est que j'ai plaidé la folie. J'me sens bien mieux dans ma petite bulle en scred. J'enfle les autistes, on fait du mal à son prochain. Se demande qui est le fautif. À chaque jour, ce fils appelle. Hey. Demain, c'est loin, mais j'gâte la pêche. Même si le moral est à la pêche, j'fais tout travers par maladresse. Je sais que le bonheur m'attend, mais j'connais pas l'adresse, non, je connais pas l'adresse. J'ai grandi dans un taudis, maman me disait c'est pas grave. Plus tard tu mangeras du caviar avec un costard cravate. Je voulais faire le tour du monde, j'ai fait le tour du quartier. Je voulais juste devenir quelqu'un, mais je crois bien que c'est raté. J'ai grandi dans un taudis, maman me disait c'est pas grave. Plus tard tu mangeras du caviar avec un costard cravate. Je voulais faire le tour du monde, j'ai fait le tour du quartier. Je voulais juste devenir quelqu'un, mais je crois bien que c'est raté.